Je voulais juste pêcher, pas exploser. Citation d'un mec mal tombé. Un feu de camp, une vue sur la mer. Un piège à ours dans le hamac, c'est clair. Un viewer me dit t'es fou, mais dans Rust, le chill c'est un coup. Détente et détonation, je loota avec modération. Mais si tu t'approches du lounge, c'est la mitraille dans ta tronche. Détente et détonation, je loota avec modération. Mais si tu t'approches du lounge, c'est la mitraille dans ta tronche. Une radio qui grésille en beige. Les viewers dansent, le loot est bon. Et le mineur saute avec émotion. Rust l'été c'est comme un spa. Sauf que te mange des roquettes à trois. Mais riders qu'ils résonnent. Même quand ça pète ils freinent. Détente et détonation, je goûte avec modération. Ensuite tu t'approches du linge, c'est la mitraille dans ta tronche. Détente et détonation, t'approches du lounge, c'est la mitraille dans ta tronche. On stream comme une révolution. Un AK dans une noix de coco. Et un viewer qui crie bravo.